La décision de vaccination est laissée aux enfants? Les parents protestent. Des bus de vaccination sillonnent les différents cantons de la Suisse pour rendre la vaccination contre le Covid plus accessible à la population. Les dernières cibles sont non seulement les communautés rurales, mais aussi les écoles cantonales et les écoles secondaires. Ceci après que SwissMedic, l'autorité suisse de réglementation des produits thérapeutiques, a approuvé début juin le vaccin Covid de Pfizer-BioNTech pour les enfants à partir de 12 ans. Dans ce cas, les adolescents devraient pouvoir se faire vacciner même sans l'autorisation de leurs parents. Comment se fait-il que dans plusieurs cantons, des bus de vaccination se rendent dans les écoles et qu'il ait été prévu de vacciner des élèves mineurs sans le consentement des parents? En mai 2021 déjà, l'Office fédéral de la santé publique, ou OFSP, a écrit aux sociétés médicales, aux associations de médecins, aux dentistes, aux associations d'assureurs maladie et autres. La lettre qui est à la disposition de la rédaction, mais qui n'est plus sur le site de l'OFSP, explique pourquoi les jeunes devraient être autorisés à décider eux-mêmes des injections contre le Covid-19 malgré leur immaturité. L'article 16 du Code civil suisse a été interprété arbitrairement par l'OFSP à cette fin. Le Code civil stipule article 16. Article 16. Aux fins de la présente loi, on entend par capable de discernement toute personne qui n'est pas dépourvue de la capacité d'agir rationnellement en raison de son jeune âge, d'un handicap mental, d'un trouble mental, d'une intoxication ou d'un état similaire. L'OFSP, qui est une autorité qui ne peut que faire des recommandations et n'a pas de pouvoir législatif, a redéfini arbitrairement le mot « jeune âge » et a conclu « Ce n'est que dans le cas où un enfant ou un adolescent est incapable de discernement que les titulaires de l'autorité parentale doivent donner leur consentement à la vaccination. » Alors que dans tous les autres domaines, comme le perçage des oreilles, les piercings, les tatouages, l'achat de téléphones portables et d'alcool, il existe une limite d'âge claire, à savoir l'âge de la majorité, l'OFSP veut assouplir cette limite pour les vaccinations. Donc maintenant, un adolescent est censé être capable de déterminer librement les conséquences d'un procédé invasif. Dans le canton d'Argovie, des parents ont eu vent de cette campagne de vaccination dans les écoles avant les vacances d'été. Pendant les vacances d'été, ils ont intenté une action contre le département cantonal de la santé et des affaires sociales, ainsi que contre diverses administrations scolaires, et ont attiré l'attention sur ce problème d'interprétation de la loi. Or, l'article 13 du Code civil stipule « Toute personne majeure est capable de discernement à l'exercice des droits civiques ». Ce qui veut dire, en d'autres termes, que le consentement parental est requis pour la vaccination d'un enfant. C'était jusqu'à présent la pratique courante pour toutes les vaccinations des enfants. L'article 11 de la Constitution fédérale met également l'accent sur le consentement parental pour la vaccination. Le paragraphe 1 stipule « Les adolescents ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à la promotion de leur développement. » Une vaccination est juridiquement une intervention invasive et elle est donc considérée comme un dommage corporel, sauf si la personne concernée y consent. Dans ce cas, l'intervention reste impunie. Revenons à ces parents qui se défendent. C'est grâce à eux que les écoles peuvent désormais légalement informer les parents du bus de vaccination et demander leur consentement ou leur refus de vacciner l'enfant. Chers parents et citoyens actifs, gardez également vos yeux et vos oreilles ouverts. Utilisez vos droits politiques, sensibilisez vos concitoyens sur ces abus. La situation juridique est encore du côté des parents et des citoyens, mais seulement si chacun exploite ses possibilités et affronte avec toute sa sagesse le nihilisme qui couve, et pas seulement dans ce domaine.